Évariste Ndikoba Nyanga. Albert Noël sur la mise en onde. Nous sommes jeudi 7 avril 2017 et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La police burundaise a intimé l'ordre ce vendredi matin aux 23 familles vivant dans la localité de Gasenyi, près des bâtiments de la présidence, de faire sortir leurs biens de leur maison et de quitter les lieux. La destruction de ces maisons pourrait s'en suivre selon les informations qu'on a recueillies sur place. Tous les fonctionnaires de Karusi sont sommés de payer 3% des cotisations sur leur salaire pour la construction du stade de Karusi. L'exemple le plus parlant est de deux enseignants de l'Ecofu Rusagara en commune Gitaramuka qui passent 6 jours en détention pour avoir refusé de donner cette cotisation. La commission Vérité et Réconciliation doit choisir des personnes qui n'ont pas d'étiquette politique dans le travail de recueillir des témoignages. C'est un appel lancé par le président du parti Sawanya Frodebou au moment où la CVR est en train de mettre sur pied des comités communaux et provinciaux. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une présence massive des policiers s'observe depuis ce vendredi matin dans la localité de Gasenyi, en commune Mutimbuzi, dans la province de Bujumbura, une localité qui va abriter les bâtiments de la présidence. Les habitants de la place sommés de quitter les lieux depuis un certain temps disent avoir été intimés par les mêmes policiers l'ordre de faire sortir leurs objets et de quitter les lieux, une opération de démolir leur maison. Pourrait s'en suivre, selon les sources recueillies sur place, 23 familles concernées par cette mesure indiquent qu'ils ne savaient pas où aller parce qu'elles n'ont pas reçu d'indemnisation. Ali Dandaikeza est notre envoyé sur place. Elle vient d'être jointe au téléphone par Mireille Kanyang. Quand on est arrivé ici vers 9h30 du matin, on y a trouvé beaucoup de policiers. Ils étaient positionnés juste en bas du nouveau palais présidentiel. La population de la colline Gasenyi nous a informé que les policiers sont arrivés très tôt le matin de ce vendredi en leur demandant d'emballer leurs affaires et de sortir des maisons car la police était venue mettre en exécution la mesure de démolir les maisons qui sont construites dans les 40 hectares qui appartiennent maintenant à la présidence. Il y a certains habitants qui ne se sont pas exécutés directement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Jusqu'à maintenant, les bulldozers ne sont pas encore arrivés pour démolir les maisons. Les propriétaires sont en train d'emballer leurs effets. Ceux qui ont des moyens ont déjà évacué leurs biens. Mais il y a d'autres habitants qui sont devant leur ménage avec leurs affaires. Ils disent qu'ils n'ont nulle part où aller parce qu'ils n'ont pas encore eu les indemnités pour aller trouver domicile ailleurs. Vous avez parlé avec ces habitants. Y aurait-il eu usage de force? Il n'y a pas eu usage de force. Le chef de quartier de Gasenyi a parlé avec les habitants de cette localité en leur demandant de ne pas poser de résistance et de déplacer leurs affaires. Et certains habitants ont exécuté cela, mais d'autres ne l'ont pas fait. Avez-vous vu des autorités qui se sont rendues sur les lieux? On a remarqué le chef de quartier de Gasenyi qui était ici. Il a parlé à ses habitants. Également, il y avait l'agent du porte-parole de la police qui était là et il est passé sur les lieux mais il n'a pas voulu s'exprimer et jusqu'à maintenant, les habitants de Gasenyi attendent leur sort. C'était notre consoeur Ali Dandaikeza, notre envoyé spécial à Gasenyi. Elle va continuer à suivre ce qui se passe dans cette localité. Nous allons y revenir en détail dans nos éditions ultérieures. Page sécurité, une personne a été tuée, une autre grièvement blessée à la machette au cours de la nuit de ce jeudi sur la colline Rugunga de la commune Guianga en province Bobanza. Les sources administratives indiquent qu'il s'agit des bandits qui voulaient voler les vaches mais qui se sont heurtés plutôt aux bergers qui veillaient. Les détails avec Spécie Cartas Cabanian. Comme l'indiquent les sources sur place, sur la colline Rukunga, en commune Gihanga, c'était aux environs de minuit, au moment où un groupe de bandits armés de machettes a fait irruption dans les étables d'élevage de la même colline. Et trois bergers qui veillaient ont crié au secours. Et deux d'entre eux ont été capturés et grièvement blessés à la machette, tandis que le troisième berger a pu échapper. L'administrateur de la commune Gihanga indique que les policiers sont arrivés en intervention après le départ des agresseurs et les deux blessés ont été vite évacué à l'hôpital, mais l'une des victimes a succombé juste après l'arrivée à l'hôpital. L'autre se trouve dans un état très critique selon ses proches. Des sources policières indiquent que les enquêtes ont déjà commencé. Marquons une courte pause avant d'entamer la page justice transitionnelle. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le dis en titre, le parti Sahunyafro de Bunyakuri estime que la commission Vérité et Réconciliation doit choisir les personnes qui n'ont pas d'étiquette politique dans le travail de recueil des témoignages au niveau collinaire et communal. Le président de ce parti demande à la CVR de ne pas travailler d'arrache-pied au risque d'arriver sur de faux résultats dans ses enquêtes. Suivez Kefani Bidi, président du parti Sahunyafro de Bunyakuri. Je dirais d'abord que depuis que le Burundi a été indépendant, il a connu beaucoup de crises sanglantes et la CVR, c'est la première commission qui permettrait de savoir ce qui s'est passé et qui est capable de proposer les voies de sortie et qui nous aiderait à renforcer la cohésion du peuple burundais. Et pour nous, il faut que cette commission arrive sur des résultats tangibles qui ne sont pas susceptibles d'être contestés. Et cela étant, nous félicitons cette commission jusqu'à maintenant comment elle travaille. Mais concernant cette mise en place de ces représentants locaux, la CVR avait promis qu'un représentant du parti politique ne figurera jamais dans ce démembrement. Mais la CVR a dit qu'elle va insérer les représentants de l'administration locale. Pour nous, cela deviendrait que la CVR trouve un représentant de l'administration locale qui ne fait pas partie activement d'un parti politique. Ce n'est pas un problème. Mais si il adviendrait que ces représentants de l'administration locale sont actifs dans un tel ou tel autre parti politique, là c'est à l'encontre de ce qu'ils ont dit et pourraient même ternir l'image des résultats qu'ils vont récolter. C'est pour cette raison que nous recommandons que la CVR émette dans ses démembrements les représentants des confessions religieuses et les membres de l'état civil parce que ce sont eux qui peuvent être donnés à l'unanimité en elle d'être, de ne pas être contestée. Et donc, la mise en place de ces démembrements devrait recueillir une sagesse sans précédent. Mais aussi, nous demandons que la CVR aille lentement et pour qu'elle ait des résultats tangibles au lieu de travailler de l'arrache-pied et parce que nous savons qu'il y a un problème du budget. Nous espérons que la CVR ne va pas faire cela parce qu'elle avait promis qu'elle ne mettra pas dans ces démembrements des personnalités qui ont un cachet politique évident. Mais si cela est le cas, et vous conviendrez que et si tous les partis politiques ne sont pas représentés, les résultats de leur travail pourraient être contestés. Alors que nous aimerions que la CVR produit un travail qui ne peut pas être contestable. Kefani Bizi est plutôt le président du parti Sahunyafro de Bunyakuri, pas président du parti Sahunyafro de Bunyakuri. La commission Vérité et Réconciliation est appelée à être minutieuse dans la constitution des listes des agents chargés de collecter des dépositions des victimes et des témoins de différentes crises qu'a connues notre pays. Cet appel est celui de Tassien Sibomana qui estime que ce sont les gens de parole issus des églises et des organisations de la société civile qui doivent recueillir ces dépositions. L'acteur politique Tassien Sibomana indique que les Burundais attendent beaucoup des résultats des activités de la CVR qui pourraient mener à la réconciliation si elles sont bien menées. On l'écoute. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent aider la CVR à trouver des gens de valeur, des gens qui ne sont pas des militants d'un parti X. Je pense à l'institution de Bushingana. Je pense à la collaboration étroite avec les gens des églises. Je pense aux associations de la société civile, même si la plupart ont été d'une façon ou d'une autre politisées. Je pense aux structures de la Croix-Rouge, qui a des représentants sur toutes les collines de recensement de ce pays. Bref, s'il faut aider la CVR à trouver des canaux à travers lesquels elle peut trouver des gens qui peuvent l'aider à faire éclater la vérité au grand jour, sans qu'elle soit la vérité d'un parti X, d'un pouvoir X, d'une église X, il y a moyen de les trouver. Mais il faut que la CVR soit réellement indépendante vis-à-vis du système en place, vis-à-vis du parti au pouvoir. Et c'est cela qui va les aider à être appréciés correctement par la population burundaise de façon générale. Faute de quoi, nous les tiendrons responsables de l'échec de cette phase décisive de l'histoire du Burundi, qui, si jamais on la négocie correctement, ça peut nous entraîner vers un élan nouveau de réconciliation. Et par contre, si on la négocie très mal, ça va nous faire reculer de façon irrémédiable. Rappelons que le président de la CVR, Mgr Jean-Louis Nahimana, a indiqué que, quoique certaines listes aient été constituées dans certaines localités, aucune n'a été validée. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À présent, entamons la grosse page éducation. Deux enseignants de l'école fondamentale de Rusagara, en commune Gitaramuka, de la province Karusi, viennent de passer 6 jours au cachot de la police. Ils sont accusés d'avoir malmené leur directeur, mais leur famille est au niveau du syndicat STEB. L'on indique qu'ils sont victimes de ne pas avoir payé les frais de construction du stade de Karusi. Les détails avec Blaise Pascal Kararumi. Les enseignants de l'école fondamentale de Rusagara, de la commune de Gitaramuka, province Karusi, sont au cachot de police du commissariat de Karusi depuis samedi passé. Ils sont accusés d'avoir séquestré et malmené le directeur de cette école ce même jour de samedi, comme l'indiquent les sources de la police. Leur famille et certains de leurs collègues enseignants indiquent que ces deux enseignants sont victimes du non-paiement des frais de construction du stade de Karusi. Ils font savoir que leur directeur avait refusé de leur donner des attestations de service parce que, explique ces enseignants et les responsables du syndicat STEB dans la province Karusi, qu'une décision a été donnée telle qu'aucun enseignant ne peut bénéficier des papier d'acte administratif sans avoir payé 3% du salaire pendant 12 mensualités pour la construction du stade moderne de Karusi. Mais le directeur communal de l'enseignement de Gitaramuka profite de ces explications et affirme que ces deux enseignants ont été appréhendés pour avoir malmené leur directeur cherchant à se faire justice. Le directeur communal dit qu'aucun enseignant de sa direction scolaire n'a été sanctionné pour n'avoir pas payé ses frais de construction du stade. Le président du syndicat STEB dans la province Karusi demande la suspension de cette mesure afin que tout enseignant puisse continuer à jouir de ses droits. Élisée Ndihokubwayo signale avoir enregistré plusieurs cas de grogne des enseignants suite à cette mesure. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. Merci à Blaise Pascal Kararumi. Sur cette contribution de fonctionnaires à hauteur de 3% du salaire net, le président du syndicat STEB dans cette province de Karusi dit que la somme est énorme et que les syndicalistes n'ont pas été concertés. Ndihokubwayo Élisée ajoute que les fonctionnaires ne sont pas du tout contre le développement de leur province. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Mireille Kanyang. C'est un problème, ça a commencé avec l'année dernière où le bureau du gouverneur a préparé les descentes sur le terrain pour exposer que, comme quoi ils vont construire un stade moderne à Karusi, au chef-lieu de la province. Et ils ont exigé à ce que chaque fonctionnaire paie un montant équivalent à 3% du salaire net à payer. Et aujourd'hui, ça engendre un grand problème surtout chez les enseignants que je suis. Le problème qu'il y ait, les enseignants maintenant exposent leur colère en exigeant à leur chef direct de leur faire les billets de sortie, les attestations de service, car on avait supprimé ça. On donne ces billets mini dans bordel de versement équivalent à 3% du net à payer. Et aujourd'hui, il y a un rapport qu'on est en train de faire jusqu'à l'heure où nous sommes, un rapport dans toutes les écoles de la province, un rapport qui dit que chaque enseignant doit mentionner son salaire net à payer et montrer le montant qu'il a déjà payé pour la contribution stade, donc sur les 3%, et montrer le montant restant sur les 3% du salaire à payer, du net à payer. Ça engendre un problème. Certains enseignants sont emprisonnés. Je citerai le cas des deux enseignants de l'école fondamentale Rusagara en commune de Taramuka. Ça a été préparé par le cabinet du gouverneur et maintenant ça entre dans les services. Arrivé chez les enseignants, on n'a même pas associé les représentants syndicaux. Les représentants syndicaux que nous sommes, nous ne sommes pas associés à cet égard. Mais le DPI, les DCI ne veulent pas mettre au clair les choses. Nous demanderons à ce que le cabinet du gouverneur associe les représentants syndicaux pour que la vie. Éducation toujours, les étudiants de l'université du Burundi sont en grève depuis ce jeudi 6 avril 2017. Ils demandent que le décret portant réorganisation de la bourse soit revisé. Un des représentants des étudiants de la faculté de l'économie dit que la grève va continuer tant qu'il n'y aura pas de solution. Toutefois, il privilégie le dialogue. Le point avec Christelle Anizga. À l'université du Burundi, précisément au campus Mutanga, les activités n'ont pas eu lieu comme d'habitude pour les étudiants de ce campus. Mais par contre, il y avait certains qui continuent les études faute de retard du programme académique. On peut citer notamment ceux de la faculté de littérature africaine ainsi que la faculté de littérature anglaise Bac 3. On peut dire également que les étudiants qui ont déjà programmé des examens continuent à les faire, mais après, ils pourront rejoindre les autres dans le mouvement, y compris ceux qui sont déjà en stage. L'un parmi les représentants des étudiants dit qu'ils ne peuvent pas continuer à suivre les cours, mais privilégient le dialogue. Les étudiants de Bac 2 sortent, et Bac 3 qui sont en stage, mais ce n'est pas à dire qu'ils ne sont pas en grève. S'ils auront terminé ces stages et ces sessions programmées, ils pourront rejoindre les autres pour garder toujours la solidarité. Nous demandons aux étudiants de garder toujours la solidarité et d'éviter toutes choses qui peuvent les diviser. Nous demandons aux autorités de ne pas utiliser la force, mais nous privilégions toujours le dialogue. Ce représentant des étudiants demande que le décret portant la réorganisation de la bourse soit suspendu provisoirement. Christela Nizigama, la mise en garde du ministère en charge de l'éducation à l'endroit des écoles n'ayant pas obtenu une note de 20% au concours d'admission à l'enseignement post-fondamental est une bonne chose dans le but de promouvoir une formation de qualité. C'est l'appréciation de Kanabazi Pierre Claver, professeur à l'école normale supérieure. Selon Pierre Claver, Kanabazi, cela montre que ces écoles sont préoccupées par le gain d'argent, qui est la vocation de fournir des connaissances. Suivez Pierre Claver Kanabazi, il est au micro de Pascal Nyangunze. En fait, les privés sont de sorte. Si on analyse en fait les résultats obtenus aux examens externes, notamment à l'Exeta, notamment au concours national, on voit que les privés se classent en premier lieu et que les privés se classent en dernier lieu. Et on constate qu'il y a des établissements qui occupent toujours les derniers rangs. C'est un peu surprenant de voir une école avec un pourcentage de 0%, c'est-à-dire que l'école en soi n'existe pas. Il y a plusieurs facteurs qui concourent à cela, mais en premier lieu, on peut penser au niveau intellectuel des apprenants de ces écoles. Et ces écoles accueillent les élèves ayant de mauvais résultats. Ces écoles utilisent souvent des enseignants vacataires. Or, ces derniers, parfois, ne sont pas disponibles. Et lorsqu'ils arrivent à l'école, c'est plus pour gagner l'argent et la vocation de, du moins enseignante et ici de côté. En deuxième lieu, il y a lieu de penser que ces élèves ne sont pas encadrés en dehors de l'école. En plus de cela, on pense que le temps d'enseignement est très réduit. Ceci, on remarque qu'ils terminent trop tôt les examens. Ça, c'est un constat amer. Autre chose qu'on peut ajouter alors, moi, je pense que c'est la part de l'État à travers l'inspection scolaire. On se demande si réellement l'inspection scolaire fait son travail comme il faut. Ces écoles citées, je pense en général, mettent en fait le côté lucratif avant le côté pédagogique. Curieusement, si on observe les résultats obtenus en classe, on constate que les élèves de ces écoles obtiennent un pourcentage élevé en classe, mais dans les tests nationaux, ils ont une moyenne très basse. Comment pouvez-vous expliquer cette situation? Justement, en classe, ils ont de bons résultats. Donc, la preuve, c'est que de la 7e à la 8e, ils passent sans problème, n'est-ce pas? à la fin de l'année, il passe sans problème. C'est dire que en fait, on peut remettre en doute les évaluations, n'est-ce pas, qui sont données dans ces écoles. C'est dire que en fait, les enseignants n'évaluent pas en fonction des objectifs fixés dans le programme. C'est-à-dire qu'en fait, on est trop large justement pour privilégier ce côté, n'est-ce pas, lucratif. Cap sur le sud du pays pour retrouver notre confrère Jean-Pierre Missago. Plus de 3000 élèves ont abandonné l'école le premier trimestre de l'année en cours dans la direction provinciale de l'enseignement de Rumonge. Adrien Savouchimi, qui est directeur provincial de l'enseignement à Rumonge, dit que c'est une situation qui mérite une attention particulière et appelle principalement les parents à agir. C'est un reportage signé Jean-Pierre Missago. Selon les statistiques disponibles à la direction provinciale de l'enseignement à Rumonge, 3208 élèves ont abandonné l'école au premier trimestre de l'année scolaire en cours dans différentes écoles fondamentales de la province scolaire de Rumonge, soit 10% des effectifs à la rentrée scolaire. Dans le poste fondamental, 232 élèves sont partis, soit 2,14% des effectifs à la rentrée scolaire. À l'origine de ces abandons, c'est entre autres des mariages précoces, la pauvreté dans les ménages, des départs vers l'étranger à la recherche du travail, l'incompréhension de la réforme du système éducatif en cours, manque d'informations suffisantes des jeunes filles en matière de la santé reproductive. Adrien Savouchimike, directeur provincial de l'enseignement à Rumonge, trouve alarmante cette situation et appelle à tous les partenaires de l'éducation en général de s'investir pour stopper ce phénomène, les parents en particulier. S'agissant de la pauvreté qui se vit dans les ménages, Silas Ndouimana, représentant provincial du Centre pour le développement familial et communautaire à Rumonge, dit que le gouvernement burundais a récemment appuyé en vivre les ménages appauvris par les intempéries. Pour lui, il faudrait que ces ménages cultivent notamment les légumes à courte saison culturelle pour se prévenir des conséquences de la famine. Jean-Pierre Missago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les officiers militaires sont appelés à respecter à la lettre d'éthique et la déontologie de ce corps, éviter tout ce qui pourrait les empêcher de bien remplir leur mission de meneur d'hommes. Cela a été dit ce vendredi par le porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Baratouza, au terme d'une conférence dirigée par le président de la République à la cinquième journée de la semaine dédiée à l'Institut supérieur des cadres militaires. Les officiers militaires ne sont pas des simples militaires, dit colonel Gaspard Baratouza. Avec la mission d'un officier, il doit s'imprégner des pratiques de meneur d'hommes. Il ne réfléchit pas pour lui, il n'exécute pas la mission comme un simple militaire. Il doit réfléchir et être conséquent de ce qui va être réalisé. Le thème du jour, c'était en Kirundi. C'est-à-dire que dans un nouveau milieu, tu dois faire des abnégations, sinon tu risques de ne pas remplir bien la mission de ce nouveau milieu lorsque tu ne te conformes pas aux réalités. Vous savez qu'on recrute des candidats officiers qui viennent de différents milieux. Alors, arrivé ici, il y a certaines choses que les candidats officiers doivent obéir aux règlements, mais aussi aux autres coutumes qui sont propres ici à l'Institut. À titre d'exemple, j'entends dans les écoles des élèves qui manifestent politiquement, mais ici, les manifestations sont interdites. C'est une infraction. Alors tout cela, c'est une indication de ce milieu qui doit être apprise et inculquée. Alors lorsqu'ils savent ça depuis le jeune âge, ça devient très facile lorsqu'ils terminent la formation académique et militaire comme c'est stipulé dans les règlements. Aussi, il a profité de cette occasion, son Excellence Monsieur le Président de la République, a expliqué certains signes qui se trouvent sur nos tenues, c'est le béret, vous voyez la tête d'un lion, le comportement du militaire, sinon avec le comportement des lions, ça se ressemble. Le lion ne se balade pas n'importe comment, ne mange pas n'importe quoi. Le lion protège là où il vit, comme les militaires le font. Une brève de province avant de boucler la boucle de ce journal. Le parquet de Muyinga a procédé ce vendredi à la destruction de 655 kilos de chanvre, 250 250 kilos de produits pharmaceutiques et d'autres objets. Vincent Witonze, procureur de la République à Muyinga, indique que cette opération rentre dans le cadre de l'exécution d'un jugement rendu le 30 mars dernier. Les juges ont ordonné de brûler 168 kilos qui ont été interceptés de main de trois Rwandais. Le parquet en a profité pour détruire par le feu tout le chanvre et autres objets qui avaient été saisis dans d'autres dossiers depuis un certain temps. Voilà, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Nouayo avec son équipe de stagiaires pour leur collaboration technique. Bon après-midi à toutes et à tous. Évariste Ndikobanyanga.